l'empire de la peur, le miracle devient possible. Mieux vaut tard que jamais, malgré la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Jus d'orange, tika pour sa femme. Golf, dikando, elongia feti, coule coule onatra. Zulu kake, toleka. Patrice n'avait d'une chère Simon. Menke, bois la bille. Mais en silence, Bonanza pour le meso, Jovi Filandu Lufula Lia Mukishi Bonaisen Abir Kauchu Yansa Kula Motoba Clara Dietrich Sili Kumi, c'est trop tard. La préférée Kozongi la maman. La pizza qui a bolingo, la pizza qui a bolingo, la pizza qui a bolingo, la pizza qui a bolingo, la pizza qui a bolingo, la paciente kozangi ezalingo sango ya malamute poeti kala etemele ngana wipasina matadi mingi bafanda makwila tedinini eswakana na kote solution epai ya moto nyonso maloba nyonso ya kolinga esilanga na kobimisa yango ekomaki otindanga na lokanganga nzambe mpe basala delivrance la vi nango olingaki obebisa nani akunda yanga papa isejonimbweni fikofiko mpio nasalaki fikofiko mpio ya molingo fikofiko mpio ezita epesi lelo tokamana fikofiko mpio nasalaki fikofiko mpio ya molingo fikofiko mpio ezita epesi lelo tokamana intafu Christian Dolce Gabbana Judas Kanga Nicolas C. Adida Kiese da Kenzelo. Aye, Mukamba, Bosananga, Bosananga, Mukamba, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Mukamba, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Bosananga, Nakolela Pepe Akunji, Nakolela Christiana Kwasa, Mère Maluna Aminata, Nakolela yo Charoufa, Nakolela yo Die, oh yo Charlene. Kolutu Maneno, Chuki Matebu. Si je savais comme ça, Nalinga ki Nalinga yo Teo, Nalibala. Force tranquille. Olé Dikando, papa et Diko, Imani Soulanja, Alexi Mangala. Tala l'élanga, nanokeli moula, natango ya ilanga. Sadrak El Kona. Soit qu'il pleuve ou qu'il neige, soit qu'il pleuve ou qu'il neige, les tam-tamé qui résonne. Ata na zanga mbongo, bayamba gangata na pondue Papinte polo na zanga nzimbu, bayamba gangata na kiti kwa lai Wili wa papa na zanga mbongo, bayamba gangata na ndunda bite kute Ata na zanga mbongo, bayamba gangata na pondue Lai makengo na zanga mbongo, bayamba gangata na ndunda bite kute Ata na zanga mbongo, bayamba ganga munu mwana dila ikadila ya ye Munu mwana dila ikadila ya ye Matanga muna meso Shora mbemba kala ingangwe Ata yosi usumba frikse Oh Bijungo kunga kutko boble moka italien Ah Ata yosi usumba belgique Nasinale miko si porta kanzala pe ukufakite papa Nasinale miko si porta kanzala pe ukufakite wili Yeche ke fala kolo.